not for. Don't have fun, be fem papel no more. Don't have done until you d'accord. Je vous ai monté si vous passe pas pour même. Don't be bummed. Ma vie mène à forti pour mène. Chérie, mon amour, 60, 60.